Je mise à ce voyage une quinzaine de jours, que je peux compter parmi les heureux de ma vie. J'étais jeune, je me portais bien, j'avais assez d'argent, beaucoup d'espérance, je voyageais à pied, et je voyageais seul. On serait étonné de me voir conter un pareil avantage, si déjà l'on avait dû se familiariser avec mon humeur. Mes douces chimères me tenaient compagnie, et jamais la chaleur de mon imagination n'en enfanta de plus magnifique. Quand on m'offrait quelque place vide dans une voiture, ou que quelqu'un m'accostait en route, je rechignais devoir renverser la fortune dont je bâtissais l'édifice en marchant. Cette fois, mes idées étaient martiales. J'allais m'attacher à un militaire et devenir militaire moi-même. Car on avait arrangé que je commencerais par être cadet. Je croyais déjà me voir en habit d'officier, avec un beau plumet blanc. Mon cœur s'enflait à cette noble idée. J'avais quelques teintures de géométrie et de fortification. J'avais un oncle ingénieur. J'étais en quelque sorte enfant de la balle. Ma vue courte offrait un peu d'obstacles, mais qui ne m'embarrassait pas. Et je comptais bien, à force de sang-froid et d'intrépidité, suppléer à ce défaut. J'avais lu que le maréchal Schomberg avait la vue très courte. Pourquoi le maréchal Rousseau ne l'aurait-il pas? Je m'échauffais tellement sur ces folies que je ne voyais plus que troupes, remparts, gabions, batteries, et moi, au milieu du feu et de la fumée, donnant tranquillement mes ordres, la lorgnette à la main. Cependant, quand je passais dans des campagnes agréables, que je voyais des bocages et des ruisseaux, ce touchant aspect me faisait soupirer de regret. Je sentais au milieu de ma gloire que mon cœur n'était pas fait pour tant de fracas. Et bientôt, sans savoir comment, je me retrouvais au milieu de mes chères bergeries, renonçant pour jamais aux travaux de Mars.